Chapitre 13 Au bal favier. Ragdal, lui, s'en allait bien paisiblement, sa forte somme en poche, heureux de se retrouver à la hauteur dans ce quartier où il avait traîné la dèche. Oh, les noirs souvenirs! La galette rare, la sombre braise, quelle côte! Il avait demeuré autrefois rue de Sénégal, tout là-haut, dans un cabinet à 6 balles la semaine et plein de punaises. Son menu, c'était le pain de munitions, la boule avariée et moisie des pousse-cailloux de la caserne de la Courtille, sur laquelle il étalait son tringle de fromager à deux ronds, un beurre, et la valasse qui pissait dans le bec son relent de tout à l'égout. Vaine épatante, il avait un soir de mistoufle rencontré J.B. en balade. Le brave bijoutier l'avait rincé et trimballé chez lui. L'autre s'était payé sa femme, bien entendu. Il l'avait relevé, s'était fait entretenir, comme ça, au début. Et puis ça avait marché. Il en était là. À présent, il en avait plein les profondes, plein les poches. Adieu les aminches, soupez de vos fioles. Oui, maintenant, il travaillerait dans le grand, élargirait son affaire, aurait un journal à lui et montrait une agence, l'agence Rocaise, dans l'intérêt des familles, c'était tout indiqué, parbleu. Et cette sale fripouille, les mains dans ses poches, regardait l'avenir dans cette nuit trouble de janvier. Batafure, bonne affaire, pensait-il. Mais faut ouvrir le chasse, l'œil et le bon. Sans ça, on serait dévoré. Il se croisa avec un ancien copain qui le reconnut, un chapelier un peu poivre, un peu saoul, qui l'emmena chez lui d'arrache, de force, et comme chose due, lui offrit un chier galurin à la dernière mode. Le voisin, un pauvre tailleur abougri qui veillait, se piqua d'honneur et frusqua, habilla le camerluche, exclamant joyeusement « Dis donc, où qu'on t'a dégoté, retrouvé ? C'est que tu devenais d'un rare, mon vieux Ragdal !» Le froid méridional qu'il était au fond se laissait faire par habitude, quoique très las. Cela lui semblait si naturel d'être à la charge de Housted, hommes et femmes, dieu ou diable, sans savoir. Lui aussi c'était de naissance. Et, fringué à neuf, il se laissa emmener comme remerciement au bal favier, où l'on chahutait salement cette nuit-là. Il se retrouva en pays de connaissance. Un cri s'éleva. « Ragdal ! Ragdal !» Cela l'embêtait, et pour la première fois. Jusque-là, ce nom avait été comme son brevet, sa marque de fabrique, son point d'honneur, son blason sur champ de gueule de Madame Gueule d'Empeigne, était orné de cette devise « Tu ne raqueras pas ». Et vraiment, il aurait raqué dur, payé cher pour être libre, enfin seul, et hors la société de ses gueux. Ce fut impossible. On l'installa dans le coin d'honneur, comme le roi, le président de la République des Marles. Au milieu de la salle, le bal faisait rage, et les bons cipots avaient fort à faire pour rétablir un peu d'ordre et de morale dans le tourbillon effréné des tétons exhibés et des jupes outrageusement relevées jusqu'au ciel. À la table de Ragdal, les saladiers de vin chaud pleuvaient dru, et le garçon ouvrait l'œil, prêt à le fermer et à appeler les agents à l'occasion. « C'est qu'on n'a rien fait, on est fauché, » observa un pègre en sourdine. « Faudrait voir le morlingue des Gers, le porte-monnaie des filles. »« Nibdafure !» répondit une pierreuse pour toutes les autres. « On est meule, on n'a rien. Vrai, c'est la purée de misère. Ah, les carnes !» Les gros mots et les beignes, les coups s'échangeaient déjà, quand tout à coup, Ragdal, pour en finir, jeta, au miracle, un genêt sur la table. Le garçon, croyant à une blague, à un bouton de culotte, regarda tour à tour la pièce d'or et son sublime client. « C'est un cig, avoua-t-il stupéfait, un vrai cig, 20 francs !» Et faisant tourner le louis, « Pas d'erreur !» Alors ce fut un tonnerre de bravo, et tout le bal croula dans cette triomphale exclamation. « Il a raqué !» Ragdal s'apprêtait déjà à filer à l'anglaise, voulant modestement rester sur son succès, quand un être dégingandé et hideusement frappe, crapule, malgré son âge, lui rebondit entre les jambes. « Faut aller réclamer le dab, la dabuche, le père et la mère, les frangines, Roculot et le grand Charles, ça presse !»« Hein, quoi ?» interrogea Roquez. « Qu'est-ce qu'il y a encore ? Tout le monde était secoué, gris. Et comme il y avait du gauche avec les cognes, du mauvais avec la rousse, moi je m'étirais des flûtes, après les avoir arrangées en vache. Et me v'là, je suis garée et parée, tirée d'affaire, mais les autres sont à l'hosto, au clou. Dame, mon petit, je suis pas le préfet de police, moi. Oh, on sait, vous avez le bras long, glissa Bibi en sourdine. La daronne en a jacté, et mince, ce qu'elle vous connaît dans les coins. C'était grave pour les garçons, les amis et les hommes, c'est-à-dire toute l'armée du crime, si on l'avait entendu. Ragdale, de la boîte, de la préfecture, malheur. Il eut un vilain regard pour le môme Bibi, mais s'exécuta. Au revoir, les camaros, fit-il. On me demande un service, et je suis toujours là, moi, vous savez, même pour raquer. Ce fut un nouveau coup de délire. Oui, trois fois J, il a raqué! Et, sur cette ovation, le riche coquin disparut, avec Bibi Chopin, dit la frappe.